On va passer à l'intervention suivante, faite par Mathilde, qui va nous retracer l'histoire du 1er mai. Est-ce que Mathilde est là? Ah, super. Oui. Donc, vous m'entendez là, ça marche? En fait, je pense qu'un certain nombre d'entre vous va venir manifester demain, 1er mai, moi aussi d'ailleurs. Vous allez peut-être acheter ou recevoir du muguet. Je ne sais pas si vous allez dire que vous faites la fête du travail ou la fête des travailleurs, mais ce que je vais essayer de faire, c'est de revenir un petit peu sur l'histoire du 1er mai pour voir d'où tout cela vient, pourquoi on manifeste le 1er mai, pourquoi ces fleurs et quel est le vrai nom finalement de la fête du 1er mai. Alors la fête du 1er mai, elle est en fait assez ancienne, elle a plus d'un siècle, hein, puisqu'on a décidé de fêter les travailleurs, et le terme c'était vraiment les travailleurs, en juillet 1789. Hein. C'est en juillet 1789, donc c'était le centenaire de la Révolution française, c'est pas complètement un hasard. Hein. 1889, pardon, c'était pas complètement un hasard. À Paris, il y avait une grande exposition universelle, et à l'occasion de cette exposition universelle, s'était réuni un congrès ouvrier. Donc un congrès des associations ouvrières qui pouvaient être soit des associations politiques, donc des formes de partis, il y avait des pays où c'était organisé sous forme de partis et d'autres non, soit des syndicats. Et en fait, ces associations ouvrières étaient quand même assez puissantes en 1889. Le mouvement ouvrier commençait à gagner en importance. Le nombre de grèves était de plus en plus important. Elles duraient de plus en plus longtemps. Elles étaient souvent victorieuses. Mais le problème du mouvement ouvrier, c'est que depuis les années 70, il avait perdu toute dimension internationale. Il y avait eu, vous le savez peut-être, une première internationale, c'est Marx qui l'avait créée en 1864. Cette première internationale, elle avait finalement périclité. D'abord, elle était morte de divisions internes, il y avait des conflits très forts entre les anarchistes et les socialistes, les marxistes. Et puis, elle était morte aussi de la guerre franco-prussienne, car alors que normalement les ouvriers auraient dû être dans une dimension internationaliste, en fait, les ouvriers allemands avaient un peu soutenu les Prussiens dans la guerre franco-prussienne, et les ouvriers français avaient plutôt soutenu la France. Donc ça avait un peu miné la dimension internationaliste, et l'internationale était morte. Donc en 1889, chaque pays dans le monde, enfin évidemment les pays industrialisés, hein, parce qu'ils n'étaient pas si nombreux non plus à cette époque, avaient des associations ouvrières, et elles décident de faire un congrès, donc un congrès internationaliste, mais qui n'est pas encore une internationale, à Paris, au pied de la Tour Eiffel, qu'on vient de construire pour l'occasion, pour essayer de redonner un peu d'ampleur à cette internationale ouvrière. C'est important l'internationale ouvrière parce que ça permettait par exemple de financer les grèves. Il y avait eu après la création de la première internationale en 64, une série de grèves en France qui avaient été financées avec l'argent des ouvriers allemands, des ouvriers anglais, donc ça permettait en fait aux grèves de durer plus longtemps. Donc c'était quand même un outil assez utile. Donc ils se retrouvent tous à Paris en 1889, beaucoup de débats, ils ne sont pas très d'accord, toujours les tensions entre anarchistes et marxistes, même si là les marxistes ont tendance à mettre un peu à l'écart les anarchistes. Et ils arrivent à se mettre d'accord sur deux choses. Un, il faut refaire une internationale. Donc en juillet 1889 naît donc la deuxième internationale. Et ils se mettent d'accord sur il faut absolument avoir une fête internationale des travailleurs. Avec cette dimension festive qui pour eux est importante, parce qu'il s'agit aussi de contrer les fêtes nationales. En fait, ce qui est assez marrant dans l'international, c'est qu'elle va reprendre toute la checklist identitaire des nations, mais à l'échelle internationale. Donc les nations ont des drapeaux, l'international aura son drapeau, le drapeau rouge. Les nations ont des fêtes nationales, l'international aura sa fête internationale, qui sera la fête internationale des travailleurs. Alors après, il faut qu'ils trouvent une date. Parce que, y a quand même l'envie de se mettre d'accord sur une date. Pourquoi est-ce qu'ils vont choisir le 1er mai? En fait, c'est une influence américaine. Le 1er mai, c'était une date déjà où les Américains fêtaient les travailleurs et ils avaient déjà fait un certain nombre de manifestations importantes le 1er mai. Pourquoi le 1er mai? Parce qu'aux États-Unis, les logiques comptables qui étaient propres aux États-Unis faisaient que la plupart des entreprises arrêtaient en fait leur compte le 1er mai pour le reprendre, enfin le 30 avril pour le reprendre le 1er mai. Donc en fait, le 1er mai, c'était un jour où souvent les ouvriers se faisaient renvoyer et donc ils étaient obligés parfois de changer d'entreprise voire de domicile, donc ça s'appelait le Remove Day et c'était un jour important. Vous savez, vous pouvez venir vous asseoir, je pense que vous serez mieux parce qu'en plus là en face de moi il n'y a personne, alors ça fait un peu bizarre comme situation. Donc, en 1884, les syndicats américains avaient décidé qu'ils feraient, à partir du 1er mai et tous les 1er mai, une journée de mobilisation. Et ce qu'ils demandaient, ça c'était pas propre aux Américains, mais c'était une revendication importante aux États-Unis, c'était la journée de 8 heures. À cette époque, une des revendications principales de tous les mouvements ouvriers, c'est la journée de 8 heures. Ils ont un slogan, c'est les 3-8, 8 heures de repos, 8 heures de travail, 8 heures de loisirs. Et cette régularité des 3-8 qui permet tout un tas de jeux à la fois dans l'image et dans les slogans, fait qu'il y a cette demande de la journée des 8 heures. Donc en 1884, les syndicats américains votent à partir de l'année prochaine, tous les 1er mai, on demande la journée de 8 heures. Bon, ils le font en 85, il ne se passe pas grand-chose, ils le font en 86. Or en 86, la manifestation est massive, la grève est importante, elle se prolonge le 2, le 3 mai. Or le 3 mai, lors d'un meeting à Chicago, explose une bombe, sans qu'on sache très bien qui l'a posée, entre la police et les ouvriers, mais des policiers meurent du souffle de la bombe. Immédiatement, les États-Unis, enfin le pouvoir réagit, arrête un certain nombre de syndicalistes, les rend responsables de l'attentat et ils vont exécuter en les pendant neuf syndicalistes ouvriers. C'est ceux qu'on appelle les martyrs de Chicago, dont il semble qu'il n'ait absolument rien à voir avec cette bombe. Donc en 89, en souvenir des martyrs de Chicago, qui restent quand même donc les martyrs des 8 heures, puisque c'est pour ça qu'ils s'étaient mobilisés, ont choisi Niémey. Qui plus est, faut voir que dans la culture populaire, ça a toujours été un moment, même dans les campagnes, hein, de fêtes, parce que c'est il y a une espèce normalement de changement de temps. Enfin là, on ne le voit pas trop, mais normalement, ça marque vraiment le printemps vécu, senti dans sa chair et dans la terre. Et donc, ça pouvait correspondre à ces fêtes. Donc, le 1er mai est choisi. Les Allemands, eux, lors du congrès de 1889, ils disaient non, mais on va pas faire le 1er mai parce que ça peut tomber n'importe quel jour de la semaine. C'est pas bien de faire un truc si on travaille. Donc, on n'a qu'à prendre le dimanche après le 1er mai. C'est les Français qui ont imposé non, c'est le 1er mai. Et puis, si ça tombe un dimanche comme cette année, ben, tant pis, les ouvriers l'ont dans l'os. Mais si ça tombe pas un jour de 1er mai, c'est un jour chômé, on l'impose tel quel. Donc le 1er mai est décrété au Congrès de Paris en 1889, journée de fête internationale des travailleurs. Et cette idée de fête, elle est aussi importante, même si là aussi elle est combattue. Les anarchistes, par exemple, trouvent que c'est complètement débile de faire une fête parce que le travail rend esclave, le travail est une oppression et donc on ne peut pas le fêter, il n'est pas logique. Donc selon les cultures, ça passe plus ou moins bien. En 90, la fête a lieu et elle est vraiment festive. Hein. Quand on voit les affiches, il y a un côté, donc il y a des affiches de Nîmes par exemple en 90, il y a des férias, ils font les taux, enfin c'est les trucs classiques, c'est un côté très fête populaire et c'est l'ambiance qu'ils veulent mettre. Sauf que le 1er mai 1891, dans une commune du nord de la France qui s'appelle Fourmies, les ouvriers après le travail commencent, ouais, fourmis comme petite fourmi, les ouvriers après le travail font une manifestation, parce que le principe c'est à la fois festif et puis de faire une manifestation et de déposer, c'était très gentil hein, tout ça, de déposer aux autorités locales une pétition qui demandait les 8 heures. Ils se heurtent à la police et la police, enfin c'était l'armée d'ailleurs, et l'armée là perd son sang-froid, tire sur la foule assemblée pacifiquement, on commence à connaître le truc, fait 9 morts, dont 4 femmes et 2 enfants. Donc le 1er mai est immédiatement marqué par le sang, par ces victimes de fourmis, sachant que l'année d'avant, mais on en parle assez peu et ça a été peu relayé internationalement, à Barcelone aussi il y avait eu 5 morts lors d'une manifestation du 1er mai. Donc à partir de là, ça peut plus vraiment être une fête parce que c'est difficile de faire le jour où 9 ouvriers, ouvrières ont trouvé la mort une fête, mais ça ancre complètement le 1er mai dans les traditions ouvrières. Et au fur et à mesure, en fait, surtout en France, mais dans les autres pays, le 1er mai va devenir de plus en plus combatif, de plus en plus revendicatif, de moins en moins festif. Alors, dans un premier temps, ce que réclament les syndicats, c'est que le 1er mai, les ouvriers travaillent 8 heures, et à la 8e heure, ils se barrent, pour marquer que c'est ça qu'ils veulent faire. Donc, il y a tout un tas de papillons qui dit à la 8e heure, tu quittes l'atelier, et les ouvriers qui suivent ces directives, au bout de 8 heures, quittent l'usine ou l'atelier et vont se réunir ou déposer une pétition, etc. À partir de 1905, la CGT, qui en plus, elle vient d'écrire la charte d'Amiens, elle est dans une logique beaucoup plus anarcho-syndicaliste, beaucoup plus revendicative qu'elle n'avait pu l'être, décide de durcir et de faire des 1er mai des moments beaucoup plus combatifs. Et à partir de là, le mot d'ordre, c'est le 1er mai, c'est la grève générale, avec en plus la possibilité de la prolonger après le 1er mai. Il y a toujours cette idée que le 1er mai, c'est l'aube, c'est le début d'un mouvement qui doit venir. Donc le 1er mai 1906, c'est le premier grand 1er mai combatif préparé par la CGT avec un appel à la grève générale qui est massivement suivi en France, un très grand nombre de grévistes. Le gouvernement a eu très peur du 1er mai 1906. En plus, on était juste après la catastrophe de Coupe. Le mouvement ouvrier était particulièrement revendicatif à la suite de cette catastrophe qui avait fait 1000 morts dans le bassin minier lensois. Le gouvernement s'est préparé pour le 1er mai 1906 il a fait comme si c'était une armée en campagne. Il y a des photos de Paris où on voit l'armée qui tend des protections pratiquement. On pourrait croire que c'est des photos de 14-18 et qu'on a peur de l'arrivée des Allemands. Non, c'était les ouvriers. Les manifestations ont lieu, énorme déploiement de forces de l'ordre et très grand nombre d'arrestations et de morts. Là encore, à nouveau, le 1er mai est marqué par le sang et par la répression et va être suivi par un grand nombre de grèves, à la fois pour protester contre ces violences policières qui sont unanimement dénoncées. Là encore, le lien est quand même s'il ne faut pas toujours comparer et que tout anachronisme est dangereux, mais il n'empêche qu'on voit les choses se mettre en place. Mais le 1er mai comme moment combatif et de revendication est posé. Tous les 1er mai suivants sont dans la même veine, de moindre ampleur toutefois, mais néanmoins, désormais, tous les 1er mai, on sait que les manifestations ouvrières vont s'affronter avec les forces de l'ordre, revendiquer les 8 heures qui ne sont pas données. Ce que va donner le gouvernement après le 1er mai 1906, c'est le travail du dimanche. Ça paraît dingue, mais jusque-là, on travaillait aussi le dimanche, et donc à partir de 1906, pour essayer de calmer un peu, les ouvriers avaient obtenu, les travailleurs avaient obtenu le travail du dimanche. Bon, pendant la guerre, le 1er mai, guerre oblige et peut célébrer, mais le gouvernement craint le 1er mai 1919, car la CGT est particulièrement puissante, les revendications ouvrières sont particulièrement fortes, et le gouvernement a vraiment peur d'un 1er mai 1919 très revendicatif. Donc pour anticiper et déminer le mouvement, il fait voter en avril la fameuse loi des 8 heures qui était réclamée. Donc depuis le 23 avril, les 8 heures sont proclamées en France, on ne peut plus travailler au bout de 8 heures, ou alors c'est des heures sup, etc. Enfin bon, c'est un autre problème. Ça rentre, c'est réglementé, les 8 heures sont... Et le 1er mai est accepté comme un jour chômé, pas payé, mais chômé. Donc ils essaient de désamorcer, il n'empêche que le 1er mai 1919, c'est sans doute le plus massif qu'il y ait jamais eu, des millions de personnes dans la rue, très très gros 1er mai. Là encore, des affrontements importants avec les forces de l'ordre. Et va s'en suivre pendant tout le mois de juin une très importante grève, surtout des milieux métallurgistes, qui est très peu connue et très peu enseignée, mais qui est une grève très importante de l'histoire du mouvement ouvrier. Alors, elle est assez peu connue et enseignée aussi parce que la mémoire ouvrière ne l'a pas trop reprise. C'est une grève qui n'a pas été victorieuse. Ils n'ont pas du tout obtenu... pourtant une grève importante. Et là, il y a la... Ça n'a pas débouché sur des acquis. Donc, bon, après le 1er mai, continue son jour. Alors, pour le détail, à l'époque, les gens n'avaient absolument pas de muguet. Les gens portaient à la boutonnière, pour le 1er mai, une fleur rouge, qui est une fleur d'églantine. Ça ressemble un peu à une capucine, enfin, c'est une fleur à pétales. Pourquoi cette églantine rouge? En fait, l'églantine, c'est une fleur du Nord. Donc, il y avait ce désir de prendre la couleur rouge, qui est la couleur du mouvement ouvrier. Le rouge, c'était aussi en référence aux morts de fourmis. Or, l'églantine, c'est une fleur du Nord. Donc, le 1er mai, la fleur du 1er mai, c'était l'églantine rouge. C'était absolument pas le muguet on ne trouvait jamais dans les manifestations à cette époque. Autre 1er mai important, c'est le 1er mai 1936. La CGT et la CGTU, donc la CGT qui était plutôt socialiste, la CGTU qui était communiste, se sont rassemblés pour créer la CGT juste avant le 1936, dynamique du Front Populaire. Cette unité syndicale donne une grande force au mouvement ouvrier et qui plus est, c'est le mouvement du Front Populaire avec l'espoir d'une victoire électorale. Or le 1er mai est juste entre les deux tours. des législatives. À l'époque, l'élection phare, c'est les législatives, c'est pas les présidentielles. On est entre les deux tours. Et au premier tour, on a très clairement compris que le Front populaire était en position de gagner. Donc, évidemment, la force allant à la force, le 1er mai 1936 va être là aussi un 1er mai massif, porté par l'espoir d'unité et porté par l'espoir de... Ah bah, c'est dommage, hein. Porté par l'espoir de victoire. Et là encore, en fait, à la suite du 1er mai 1936, comme les ouvriers ont chômé, un certain nombre d'ouvriers ont ensuite été virés par leurs employeurs. Ils ont fait une grève. Et le mouvement très célèbre de grève de 1936, avec ses occupations d'usines qui en font sa particularité et aussi toute la mémoire qui est liée, il est en conséquence du 1er mai, parce que c'est pour demander la réintégration des ouvriers virés que le mouvement de grève s'enclenche et va permettre d'ailleurs au Front populaire d'être beaucoup plus à gauche qu'il ne l'aurait sans doute été sans ce mouvement de grève. Bon, à nouveau la guerre, le 1er mai n'est plus très présent, mais c'est là que, donc vous savez, en France, on est... La Troisième République est morte, l'État de Vichy a pris sa place et Vichy a tout intérêt à déminer lui aussi ce 1er mai qui risque de se retourner contre lui. Or, Philippe Pétain constate que le 1er mai, c'est aussi la Saint-Philippe. C'est comme ça. Il se trouve que si vous regardez, c'est la Saint-Philippe. Donc, il décide que le 1er mai, on va célébrer la fête, la Saint-Philippe, et d'autre part, il va en faire la fête du travail. C'est pour ça qu'il faut surtout pas dire que c'est la fête du travail le 1er mai. Pour les internationalistes, c'est la fête des travailleurs. Mais Pétain en fait la fête du travail, mais du travail dans son optique travail-famille-patrie, c'est-à-dire un travail sans lutte des classes, disparition des syndicats, etc. Donc, le 1er mai, pendant la Deuxième Guerre mondiale, est célébré, mais est célébré par Vichy comme fête du travail. Et l'autre innovation qu'apporte Pétain, c'est le muguet. Ben voilà, quand on prend du muguet le jour du 1er mai, en fait, désolé, c'est un symbole pétainiste que l'on récupère. Ouais, ça fait un peu mal au cul, mais l'églantine, voilà, c'était pas possible qu'ils reprennent l'églantine. Donc, les 1er mai pendant la Deuxième Guerre mondiale sont des 1er mai fêtés, évidemment une fête très contrôlée par l'État de Vichy, qui est construite évidemment pour être un anti-1er mai des travailleurs, hein, puisque c'est un 1er mai du travail, avec le muguet. Fin de la guerre, retour de la République, et là la République va garder le 1er mai, elle va même à partir de 1947 décréter et faire rentrer le 1er mai dans le code du travail, c'est désormais un jour chômé et payé, donc là c'est acquis. Mais très étonnamment, quoique quand on regarde la 4ème République, il y a tout un tas de choses très étonnantes, ça continue à s'appeler la fête du travail et pas la fête des travailleurs, ce qui est quand même très problématique. Et régulièrement, les associations syndicales, elles disent fête des travailleurs et refusent absolument ce terme qui vient quand même de Pétain. Et d'autre part, pour des raisons strictement commerciales, le muguet est conservé. C'est plus facile de cultiver du muguet, de vendre du muguet que de l'églantine. L'églantine, c'est une fleur sauvage, c'est difficile à trouver. D'ailleurs, moi, à chaque année, j'essaie d'en chercher, j'en trouve pas. Donc, je m'en fais des petites fosses où je m'amuse, quoi. Mais voilà, le muguet est resté. Donc, si vous entendez le fait du travail, ça vient de Pétain, vaut mieux essayer de combattre. Et le muguet, ben, on finit par... En plus, il y est pour rien, cette pauvre fleur, elle est quand même jolie, elle sent bon, mais c'est quand même un symbole pétainiste. Le 1er mai va ensuite disparaître dans les contextes des guerres coloniales qui imposent des formes d'état d'urgence, soit larvées, soit clairement affirmées comme pendant la guerre d'Algérie. Et les 1er mai sont donc interdits pendant les années 50-60. Le premier 1er mai à nouveau organisé est en 1968, où là il n'y a plus de raison d'interdire et où la CGT décide de refaire ce qu'elle n'avait pas fait depuis très longtemps, un 1er mai massif, appel à la grève générale et conduit dans la rue à nouveau des centaines de milliers de personnes. Et une fois de plus, on retrouve ce qui est caractéristique dans l'histoire des 1er mai. Ce 1er mai 68 n'est jamais que le prélude à la série de grèves générales qui va enclencher. Donc on retrouve dans cette logique d'aube finalement d'un mouvement plus important à venir. Alors par la suite, l'histoire des 1er mai, c'est plutôt une histoire de conflit entre les différentes organisations syndicales, la FO et la CGT ne manifestent pas au même moment, donc on peut regarder ça dans le détail, mais c'est moins intéressant. En revanche, ce que l'on peut voir, c'est que l'extrême droite a récupéré les traditions pétainistes, hein, puisqu'il faisait jusqu'à cette année, le 1er mai, un défilé le 1er mai aussi, bon, le matin, mais à la statue de Jeanne d'Arc, toujours dans ce souci de récupérer, de déminer la fête des travailleurs. Voilà pour cette histoire du 1er mai, et vive l'églantine qu'on a trop oubliée.